comment bâtir sa propre légende, le cas de Madeleine de Verchères. Parmi les femmes que la mémoire collective a placées sur le podium des héroïnes combattantes, outre Jeanne d'Arc et Jeanne Hachette, dont je vous ai déjà parlé, il faut mentionner Marie-Madeleine Jarret de Verchères, née en 1678 à Verchères, au Québec. Fille du seigneur de Verchères, elle est considérée comme l'une des figures fondatrices de ce qu'on appelait autrefois la Nouvelle-France. Elle demeure, aujourd'hui encore, l'adolescente la plus célèbre de l'histoire canadienne. Une statue, présentée comme le plus gros bronze du Canada, a été inaugurée en son honneur le 21 septembre 1913 à Verchères. Madeleine de Verchères doit cette célébrité à son comportement héroïque en octobre 1692, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle travaillait dans les champs avec d'autres paysans lorsqu'elle fut attaquée par une troupe d'Iroquois. Elle parvint à leur échapper et se réfugia dans le fort de Verchères. Puis elle enfila un uniforme, mit un chapeau en grossissant sa voix pour faire croire aux Iroquois qu'elle commandait une troupe nombreuse. N'écoutant que son courage, elle tira même un coup de canon sur ces Amérindiens belliqueux. Le bruit alerta les garnisons voisines et après 8 jours de siège, les Iroquois battirent en retraite. Les historiens canadiens qui ont été y voir de plus près ont constaté qu'il existait 5 récits de la bataille de Verchères, dont 3 avaient été racontés par Madeleine de Verchères elle-même. Chaque nouvelle version rajoutait des détails et des mises en scène qui ont enrichi le mythe. Il est vrai que, dans cette partie du Québec, la guerre était alors une préoccupation permanente dans toutes les familles. Madeleine de Verchères avait perdu 2 frères et 2 beaux-frères suite à des affrontements avec les Iroquois. En l'absence des pères ou des époux, les femmes devaient se défendre elles-mêmes. Le doute s'est installé quant à la véracité de son récit parce qu'elle a raconté la première version 7 ans après les faits dans une lettre adressée à l'épouse du ministre français de la Marine. Dans cette lettre, elle demandait une petite pension de 50 écus et un poste d'enseigne pour son frère qui était cadet dans les troupes coloniales. Il semble que les récits ultérieurs de ses exploits aient été eux aussi motivés par des demandes d'augmentation de sa pension. Les lettres de Verchères ont été découvertes dans les archives françaises et republiées pour le public canadien au cours des années 1860. Comme nous étions à une époque où les États-nations cherchaient à développer leur panthéon de figures exemplaires pour solidifier leur identité nationale, l'exploit raconté par Verchères a été exploité par les élites canadiennes pour fabriquer leur Jeanne d'Arc. Toutefois, la façon dont son récit fut alors présenté au public s'écartait sur un point crucial de ce qu'elle avait elle-même raconté. Soucieuse de convaincre les autorités françaises de lui accorder une pension, Madeleine de Verchères avait pris soin de préciser qu'elle s'était travestie en homme pour chasser les Iroquois. Mais le mythe qui a été forgé à partir de la fin du XIXe siècle en a fait un symbole féminin du courage et du patriotisme.